Bienvenue à tous sur le 96.2. Si vous venez nous rejoindre, Chantal avec vous jusqu'à 17h. C'est votre émission Groupe Tropical. Sortez les transats, écoutez le soleil, ça va être comme ça tout au long de cette année 2020. En attendant, ben moi, je vous souhaite à tous mes meilleurs voeux de réussite, de santé, de bonheur, de richesse, etc., etc. Restez bien fidèles au 96.2 parce que ça va être comme ça tous les jeudis entre 15h et 17h. Très très bon après-midi à ma compagnie, Chantal avec vous. Pour un maximum de son qui nous vient de la Caraïbe. Oh yeah, a smile. Wah. Now let the beat drop. Wah. Yeah, yeah. Daddy. Wah. Gente maloco, de praia de Rusia, yeah. Donde son loco, loco, loco. Volvemos a voltar. Sens como te forte, mexendo no te corpo. Ritmo ta te bater, tua nuca vai romper. Je plane, il me dit parlez-vous français, qu'est-ce toi? Je plane, we don't want a problem, they just want to. They just want to pull up, pull up, pull up, pull up. When I'm in the club, you just want to get shot. Watch me do that pull up, pull up, pull up, pull up. When I'm in a club, I just wanna get shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot. Nah, nah, DJ, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. Je plane. Il me dit parlez-vous français, qu'est-ce toi? Je plane. We don't want a problem, they just want to. They just want to pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. Hola, mon même bombardé. Shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot. Watch me do that, pull up, pull up, pull up, pull up. When I'm in a club, I just wanna get shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot. Calor se te subí, push in ti. Presión se te subí, sfocata a cuenta. Mi giorno vai, Babylon se te llega. Lugar tropica. Mi giorno vai, anti lugar traga. Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. Watch me do that pull up, pull up, pull up, pull up. When I'm in a club, I just wanna get shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur. En lumière passé. Ou qu'a gardé moi comme si c'était première fois. Incroyable mais vrai, malheur dis-moi encore. Pour moi c'est un que moi pas qu'à rêver, non. C'est pas j'aime ça que t'es n'a passé. Ou malgré t'es m'dérespecté, m'drive tout côté, menti seulement bam. Ou qui c'est l'homme, je vais m'utiliser. Ou chercher côté m'y en songe, m'exister. Pour mes premiers mariages pour toujours. Mais qu'on y a oublié, m'y est devenu sex friend. I'm not your sex friend. I am not your sex friend. Fait croiser, ou t'es fait me sentir ou t'es mauvais. Vu retourner au téléphone, les mains qui chambient, pas de chambé la guerre. Malgré tout ça, c'est pas de chambé vérité. Ou t'as mené avec vraiment yon vie cachée. Tout projet ma vie, yon rive gâché. Mais qu'on y a oublié, moi y'a devenu sex friend. I'm not your sex friend. I am not your sex friend. Oh yes! bien l'année 2000 quand même, hein, avec cette belle nouveauté, extrait du tout dernier album de Gabel, le groupe Gabel, qui a quand même déjà 13 ans d'existence, et bien oui, et son chanteur mythique, Catalogue. Groove Tropical, chaque jeudi entre 15h et 17h, et bien oui, ça se passe comme ça, que voulez-vous? Non, on va rester tranquille. Ça va bien redémarrer tout seul parce que normalement c'est magique. Ben voilà. Autre nouveauté pour tous les amateurs de compas, c'est le groupe ZFM et le titre c'est Sabalou. Et tout de suite après, on va se payer encore un bon petit morceau de compas avec le groupe des Odes. Oui, mes chers citoyens. Sa kapran ak sa pati anyen Mandoule ala nan tout la kwen Kamble ignore kope loue Y fin tan apil bonè Se l'okasyon, se misyon pou la fè Nan kon rabi kwa geto yo toujou koume Nek il ekol ka keme garil nomè Nan bidon vila isyen apri panè Ka pran pran pe pou komen ni yo Aisyen, woyoyo Nou gen moun ki te batay Moun pa kosa chanye la Yo nou yo pa kamay mousa Eu pote kontra chak chou Pou trase l'exemple sou malere Mè mè ta fè ya bè si gile Se yo figo ki mi leche Yo vin pran e bi ale San yo pa negosye Fè isi la api pou an fele Nan mi tan yon bak poche Sak nan reposisyon Pi fòv le pran e pi ale So yon pa negosye Pe yisi la kare pou apele Nan mi tan yon pa proje Na la la Sa pa jom d'accord Yo ta préféré le mort Deli ta belle si kek nan nou Va choisi défend pays nou Pour richesse nou ak force nou Pour nous sauver l'honnête Qui les racaille Va suspendre les Pase mpone parmi nou E sak pap jom d'akor Yon ta prefere l'amor Men li va bel le kek nan nou Va chwazi met gran moun son nou Ban riches nou ak fos nou Pon son vel ode Men ki le rat kay Masis kon moun si pay Kay Sa fe blake Na chache Nous avons mission. chez toi tout est parfait. Mon cœur t'a validé. Dis-moi tous tes secrets. Je puisse les réaliser. J'aime tout même tes défauts. J'aime tes formes galilées. Je t'ai gravé dans la peau. Comme un son validé. Tu restes dans ma tête. Laisse-les parler. Toi et moi, rien ne nous s'arrête. C'est une zone balisée. J'aime tout même tes défauts. J'aime tes formes galilées. Je t'ai gravé dans la peau. Comme un son balisée. Celui qu'il te faut. Je suis prêt à lâcher tous mes bails, tout abandonner. J'accepterai tes névroses. Crois-moi, il en faudrait bien plus pour m'impressionner. Le reste est qu'un détail. Si nos deux cœurs battent ensemble, qui peut nous séparer? Soit mon diamant, soit mon crâne. Toi t'es vraiment pas comme les autres. De ninja. Tout le monde a piqué, tout le monde a piqué, tout le monde a foutu, bon. pas quand il fait croûte. Pas ça nous gonsi caco gonsi prêt ton yaourt. Tout le monde a critiqué souk, mais laissez pour qu'on les fout. Tout le monde a qu'à piquer, piquer. Hey! Can you all love me? Patrick Saint-Éloi, Eric Bouta, Gilles Flobo, Edith Leffel, respect Bassa qui y allait. Sous classe en belle, flé, faut parler, c'est fané. Sous classe en belle, flé, faut parler, c'est fané. Yeah. Retro nouveauté, quand y'a le français, quand y'a le anglais. Can you all need? Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Mélodie d'amour, le duo de choc pour cette année 2020 avec Phil Control et Big Tom dans votre émission Groove Tropical. En tout cas, c'est certainement le tube qu'on va pouvoir écouter tout au long de cette année. Alors, Conciel 96.2 et puis bien sûr votre émission Groove Tropical jusqu'à 17h avec le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Comment lui dire que tout était si simple? Je sais qu'il me protège. J'avais besoin qu'il me prenne dans ses bras. Il le mérite. Une femme parfaite, une vraie. Je ne suis pas faite pour lui et je n'attends plus rien. Je te dis ce que j'ai sur le cœur. Tu me dis que je devrais être ailleurs. N'en crois rien, je te suis sensible. Même si j'ai l'air inaccessible, laisse-moi te parler de mes peurs. Je voyais en toi

besoin qu'on n'est que nous n'en fait bagay. Pas besoin qu'on n'est que nous n'en fait des autres. Nous pas besoin qu'on n'est mon qu'on n'y traite sous notre travail là. Dire oui, secret d'état. Nous pas besoin qu'on n'est que nous n'en fait bagay. Nous pas besoin qu'on n'est que nous n'en fait des autres. Nous pas besoin qu'on n'est mon qu'on voit des toits qui bouillent. Dire oui, secret d'état. Qui te mouche ou bébé ou fait une douce. Feeling for l'en pas négocier. C'est moi mais ma veau contre tous. Bébé c'est pas n'importe qui dossier. Qu'on est illégal mais ça excite. I know I'm a freak mais vous méritez. Que mais ça pour nous mais il faut pas parler. Entre nous mais il faut pas parler. Pas besoin qu'on ait que nous n'en fait bagay. Pas besoin qu'on ait que nous n'en fait des autres. Pas besoin qu'on ait mon bon mine sexe ou notre travail là. Secret d'état. Nous pas besoin qu'on n'est que nous n'en fait bagaille. Nous pas besoin qu'on n'est que nous n'en fait des autres. Nous pas besoin qu'on n'est mon compte pour des toits qui bouillent. Dieu vit, secret d'état. I'm always thinking about you and how much I sweat. Yo pas besoin qu'on n'ait que nous n'en fait bagay. Pas besoin qu'on n'ait que nous n'en fait des autres. Yo pas besoin qu'on aime qu'on mine sexe sous notre travail là. Dire oui, secret d'état. Yo pas besoin qu'on n'ait que nous n'en fait bagay. Pas besoin qu'on n'ait que nous n'en fait des autres. Yo pas besoin qu'on aime qu'on voit des toits qui bouillent. Dire oui, secret d'état. Mwen men wim, konen wim men tout, tout ode. début battement qu'elle nous fait en même temps. Que ouais la vie m'avait tout. Que remettre qu'elle n'en est où. Côté nous affichez nous. Tout le monde connaît. C'est où qu'officiel madame. Moi c'est Marie ou moi tiens où. Tout c'est baby m'doudou. Mais on s'est le coup sans attendre. Moi t'en pire à mon chaviré. Vous perdez confiance. La vie n'a pas c'est chaque jour. C'est jalousie à qui histoire quoi inventer ou gaspiller. Pito allez bébé, peut-être qu'on va te faire pour moi. Pito allez bébé, peut-être qu'on va te faire pour moi. Pito allez bébé, peut-être qu'on va te faire pour moi. Pito allez, Pito allez. Tout ça me fait tourner contre moi. Parole moi pas voyer. Ou bi vite quoi dans sa monde dire que même. Arc-en-ciel 96.2 la FM en couleur. Si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. café pasamos al sofá. De un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj. Aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy. No me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana. Yo no sé mañana si estaré. votre émission Groupe Tropical à chaque jeudi entre 15h et 17h sur le 96.2. Un bon voyage en tout cas vers l'Amérique latine. Et puis on va continuer comme ça notre émission avec un petit peu plus de douceur. Bah oui, parce qu'on aime bien ça, même à cette heure-ci, hein, pas de problème. Hein. Extrait du tout dernier album d'Anthony Drouet-Rouchel. ensemble. Malgré nos différences, il me semble, d'autres n'ont pas le même. Pour exemple, prouve qu'on est beau, qu'on est chanceux. On fait même des envieux, on donne toujours l'impression d'être heureux. Nous poster seulement 5 positifs, mais la société pas pour qui j'en avais. Ça reste entre toi et moi. Tout le monde pensait que nous wagons n'a fâché. Devant famille, amis, n'a pas embrassé. Dans toute relation, nous connaissons qu'on a intention. Faut ne faire attention. Parce que me connais, c'est vous, c'est moi. Pardonne. fè pa Fè nou asè lè ou sè pou n'gade Nou dè jè tè Oh, mou fè m'foul pou tè m'ale Mwen kondane Tankou an prèp tu m'an vè lè Mwen mè piè Mwen fè tout sa Sacré lié, pas j'en pensais que nous pouvons passer. Nous t'avions joué lit, nous tout pour aller quitter. C'est pour faire temps, et puis on a quitté temps. Les fêtes nous donnent la cour, et l'idée bien plantée, toujours bien arrosée, toujours à révolter. Lui produit toute saison, lui toujours bail bon fruit. Même dans le moment sécheresse, qu'on part direct, toujours devant. La direction est l'Italie sacrée, la dame qui parle l'été, souffrir et y aller. La direction est l'Italie sacrée, les gens de l'homme, son ami, merci. Sur base en l'eau, font des chita, tendez me souvler. Pas faire grosse tête, pensez à nous qu'à faire et faire. Nous, gros jeunesse pour éduquer, qui prend nous comme modèle. Fon trase bon ekjam pou sa gen vini yo Kon pa direk solid maman Se eritaj an nou An nou travay ansam Ou nou moti li wo Plante nan gran la kou Li produi tout sezon E li gen bon racine Yeah. Ici Gaz Van Couleur, Frère Jean-Baptiste, Belle Paix, Héritage, Donardo. Oh la la la la la la. Sonne français Nous jeter le rap Pour jouer la gare M'ignorer musique La caille pour tout ça que ça dehors Adieu maman Négliger tes mounions Pas garder jeunesse là Pas exposer pays L'histoire est pour l'hygiène Oui qui fait fière de Jamaïque Il peut vérifier le monde Sans ça ressemble peu Poyant l'eau même nous jeter Méprisé qu'on bâtirait pour n'en jouer sous Ça fait la peine Négligé, musique racine Pour chansonner française Nous jeter à la N'en jouer à gare Ignorer musique vaudou Pour la bandaille Faut apprécier Bonjour. Attention. Valérie, Wabri, compa, compa, compa, compa. La FM en couleur. Tu as tout changé. Thank you. si j'en la moitié, je suis content. Si je l'autre moitié. Thank you. zami mwen pou gen La FM en couleur. It's crisp at the drama boy. Cause I just wanna let them know that my feet are muted. Find me, tell me they not the party, you have to find me. They not the party, you have to find me. Tell me they with me dogs, you have to find me. Have to find me, tell you have to find me. Girl, I want in the blood clot town. We not fear nobody in the blood clot town. Baga girl in the blood clot town. We not fear nobody in the blood clot. See the get us time, oblige vini pro back shot. Dirty mouth, he got a king and put stop that. No more baguette time, some more business about back shot. So bien savez, bad girl power for long tag. Them say wine funny thing, them dead. Done him, empire play them dead. We are running, have a quarry them dead. You got to tell your business, you for no crew them say. We no play, magazine full, we no care. Private a call a fuck bar though, we no bad mind disappear. Pussy with the whole of them fear. My body turn up every time, sure. Every time. Bad girl a wicked, got me sick in a me mind. Man testify, Bambi design. Body good, body right, body a fi fine. Bad girl Bambi, we a do the crime. We a do it from morning till night. Every time, any time. Them lost from long time, when your body. Girl a one in a the blood clot town. We not fear nobody in a the blood clot town. Bad girl in a the blood clot town. We not fear nobody in a the blood clot. See the get us time, oblige venir for back shot. Dirty mouth, he got attacking and full stop that. No more packet time, some more business have a back shot. So bien sabe, bad girl power for long time. Them say I'm a fight from them time. A pas du jour de la mola depuis long time. Ça quitte les tests, you shot dead long time. Mon café c'est for my wine depuis long time. You feel wine it up, yeah, my girl. Oh, your bad so you had wait long time. But you do, you feel broke it up fine. Bambi road king on the headline. Some say me China king, give me some love. Ready. I want to them to wola, we want need some love. Some say me China king, give me some love. I want to them, we are doing at the town, yeah. We never left it, fuck it, anyway me de. Clap it, drop it, anyway me de. Johnny, cut it, anyway me de. From you see me, you are runway. That one you near. Girl, I want in a the blood clot town. We not fear nobody in a the blood clot town. Bag a girl in a the blood clot town. We not fear nobody in a the blood clot. See the get us time, oblige venir for back shot. Dirty mouth, he got a king and full stop that. No more packet time, some more business have a back shot. So bien sabe, bad girl power for long time. Them say bad girl, they for long time. And the way you dance up in a different land. Before this a different bad girl bomb because why you never run. She a do it when it's a love in a danda. The other I got glad them a did a danda. Empire give us a via a danda. Empire give us a via a danda. Yo LBTM bye bye. Chaya rude empire to the universe. The must man. C'est vrai qu'il était pas mal, il a voulu me faire danser. Oh non, je l'ai rencontré, il était sûr de lui, il m'a charmé. Oh non, il m'a dit tellement de choses que j'avais envie de le croquer. Après on parlera de sentiments. Posé comme jamais avec des pas de pensée. Sexy interdit au moins. Devant le nom. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Oh my God. J-Beats. Oh my God. It's another one. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh my God. Belle sourire, belle bouche, souris ange. Les gauches, elles marchent comme garçon pour pas mêler. Oh my God. Elle veut la rue, toute femme jaloux, toute neuf prétise. Il décontrôle, les femmes dingue, les femmes frise. Oh my God. Femme, ça, son mission impossible. Oh my God. Femme, ça, fume, femme, tout nos groupies. Oh my God. Quatre jeunes bébés, ça, la game, n'en couille. Oh my God. L'arrivée femme, l'existence, toute fille. Oh my God. Les lapes marchées. Sans exagérer, à terre, à fond, un ave. Oh my God. Les billes gardées. Tous ces lumières qu'on nous veut désactiver. Oh my God. Les livres parlés. C'est plus bien de le dire que moi, quoi, j'entendais. Oh my God. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, mon Dieu. Oh my God. Oh, oh, oh, oh, oh, oh my God. C'est pas n'importe qui femme, mais que son femme fait. C'est pas femme, c'est caractère, mais que son femme fière. Sauf femme vraie, c'est Louis Vuitton, Prada, Michael Kors, sauf femme chère. Les femmes viennent romantiques, même si son nez qui a ses gradi. Elle peut la rire, elle va y bloquer, c'est mal pour moi, c'est gradi. Les moelles sont une que des sexes à l'idée, comme ça, gauche elle campe, mais nous calise à l'idée. Gauche elle touche, elle fait mêler. Oh my God. Gauche elle caresse, elle fait mêler. Oh my God. Même là, elle fait que les filles, les vieux, oh my God. Son femme total, femme la caille, l'on est l'on seul, mais on calise. Oh my God. Les lapes marchées, sans exagérer, à terre, à fond, un ave. Oh my God. Les billes gardées, tous ces lumières qu'on nous veut désactiver. Oh my God. Les billes parlées, c'est plus bête. Le dit que moi pas j'entendais. Oh my God. Oh oh oh oh oh mon Dieu. Oh my God. Oh oh oh oh oh my God. Oh my God. Look at her. Bingouillard. Oh my God, femme c'est la vie tout ce qu'on poursuit. Oh my God, les mouillas n'a pas qu'à camp en face lit. Oh my God, les femmes crazy tellement romantique. Yo, yo, hey, hey. Belle corps, belle démarche, belle geste. Belle cuisse, belle fesse. Belle bout en bas, belle tambour, belle caisse. Elle est fâchée, elle est parée, faut pas t'arrêter, les garçons peuvent pas flasher. Il commence à faire me fou, si pas stop, ma bégare tout à. Mais la fini, j'ai vite préparé guitare. Oh my God, look at her. De votre émission Groove Tropical, eh bien, touche à sa fin. D'ici quelques petites minutes, eh bien, vous retrouverez RDPI. En attendant, bah, on va terminer cette émission avec Dizip. Et puis, le titre, il est où le bonheur ? Il est où le bonheur? Il est où? Et puis moi, je vous souhaite une très très bonne soirée sur le 96.2. Restez bien fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Je vous retrouve jeudi prochain à 15h, 17h, même heure, même fréquence. À la semaine prochaine. Bye bye. Moi, je vais m'essayer, faire mon sourire, réunir l'amour perdu. Pas jamais content, même faire semblant. Et faire ma fin pour me griller dans. C'est chaque week-end, moi, pour plaisir. Pour me dire content, ça va suffire. J'ai fait mon mieux à cœur ouvert. Déprimé, non, ça c'est bonheur. Désespéré pour me gagner chagrin. Où t'as le manam, puis loin de ma. Moi fais ça que moi fais ça que mal. Même où il fait coucher l'hôpital. Ma continue à sortir de belles paroles. Joue moi avec le contre les épaules. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là. Protégez-nous de soucis la vie. Toutes ces vies, ça y ont rappelé nous. Si la, la vie prend nos menus, ma continue à sortir de belles paroles. Parce que avant c'est meilleur. Bonheur son bougie qui le met. Paris fort pour le bas éteint. Son bagage tout le monde a rêvé à tête. Mais dommage, c'est après qu'on était là. Arc-en-Ciel 96.2 La FM en couleur.